France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur les dessous de la vente d'Alstom Energy à l'entreprise américaine General Electric. Au printemps 2014, on apprend la cession de la branche énergie d'Alstom à ce géant américain General Electric. Personne n'était au courant de ces discussions autour de la vente de l'un des fleurons de l'industrie française. S'engage alors, pendant 2 mois, une incroyable bataille économique et politique où s'affrontent, dans la presse et en coulisses, grands patrons et responsables politiques. Comment expliquer que le pouvoir politique ait pu être pris de court? Comment comprendre une décision qui renforce nos concurrents? Et pourquoi, dans cette affaire, un haut cadre d'Alstom s'est-il retrouvé incarcéré à New York comme un délinquant pendant plusieurs mois? Quelle est donc cette guerre économique que nous livrent les États-Unis? Notre invité aujourd'hui, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie et du redressement productif à l'époque des faits. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Simon Maisonneuve, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dimanche 9 février 2014, au 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris, à quelques pas de l'Élysée, se trouve l'hôtel Bristol. C'est là, dans l'un des salons discrets de ce prestigieux établissement, apprécié des grands patrons et des hommes d'affaires, que tout commence. Ils sont 5 autour de la table, 2 Français et 3 Américains. On l'oublie souvent, à l'heure de la reine finance et des échanges à la nanoseconde, l'économie est encore une histoire de dîner, de discussion, en chair et en os, dans l'intimité du pouvoir. Côté français, on trouve d'abord Patrick Cron, 61 ans, un parcours exemplaire, polytechnicien, école des mines, ingénieur d'État et, depuis 2003, PDG d'Alstom. Il est accompagné de Grégoire Pou-Guillaume, directeur d'Alstom Grid, la branche réseau électrique du groupe. Au fil de son parcours entre la finance et l'industrie, ce cadre franco-américain a noué des relations avec certains haut placés du géant américain General Electric, et c'est lui qui œuvre pour qu'ait lieu la réunion du jour. En face d'eux se tient un triumvirat américain. Il y a là Jeff Immelt. À 58 ans, il est à la tête d'un empire de plus de 250 milliards de dollars, General Electric, l'un des plus importants conglomérats du monde, présent dans le domaine de l'énergie, du transport, de la santé et des médias, avec pour cœur d'activité la production, le transport et la distribution d'électricité. À ses côtés, Steve Bowles, le patron de la branche énergie de General Electric, et John Flannery, responsable des fusions-acquisitions. Oui, car l'enjeu du dîner est bien là, fusion-acquisition. Depuis plusieurs mois, Patrick Cron a pris sa décision. Il veut vendre la branche énergie d'Alstom. C'est un fait, l'entreprise qui repose sur 2 piliers, les transports, avec la fabrication des trains, métros et tramways, et l'énergie, où elle est l'un des leaders mondiaux dans l'équipement, ainsi que la maintenance des centrales nucléaires, bien ce mécano, ce grand mécano, est sur la mauvaise pente. 2 piliers confrontés à des difficultés, crise financière, Fukushima, saturation du marché européen, concurrence asiatique, 2 piliers déséquilibrés. Le secteur de l'énergie représente pratiquement 2/3 de son chiffre d'affaires. Alors pour Patrick Cron, c'est clair, en ce début d'année 2014, il faut agir. Son plan est simple, vendre Alstom Energy pour récupérer d'importantes liquidités et renforcer ainsi le secteur du transport. Un secteur plus petit, mais qui deviendrait plus riche, donc plus fort et en capacité d'investir, d'innover, de renforcer ses positions. C'est la fameuse stratégie de la taille critique. De leur côté, Jeff Immelt et General Electric prêtent une oreille évidemment attentive au désir de Patrick Cron. Voilà une occasion en or, dans un même mouvement, de s'ouvrir les portes du marché européen et de détenir plus de la moitié du marché mondial des turbines à gaz et de leur maintenance. Il s'agirait de la plus grande acquisition de l'histoire de General Electric. Ce dimanche 9 février 2014, dans le plus grand secret, s'écrivent les premières lignes d'un deal aux conséquences politiques, économiques et symboliques sans commune mesure. Et bien sûr, la sensibilité du dossier impose une grande discrétion. Sauf que le 23 avril 2014, 2 mois et demi après cette première réunion, une information inattendue s'invite au cœur de l'actualité. Alstom, fleuron industriel français, va-t-il être racheté par l'américain General Electric? C'est en tout cas l'agence Bloomberg qui l'annonce. La somme de 13 milliards d'euros aurait été proposée. Cela pourrait avoir des implications politiques dans la mesure où Alstom est présent dans le nucléaire, mais aussi dans la construction du TGV, autre fleuron national. Aujourd'hui, l'action Alstom s'est envolée à Paris. Emmanuel Valls a affirmé suivre le dossier avec attention. Cela illustre en tout cas, disent les spécialistes, l'attractivité des entreprises françaises dans l'économie mondiale. Que s'est-il donc passé entre cette première réunion du 9 février 2014 et cette fuite le 23 avril ? Eh bien, tout simplement la mise en place de la vente. Oui, car un mois plus tôt, le 23 mars, Patrick Cron était à New York pour une deuxième réunion au cours de laquelle il a donné accès à l'équipe de General Electric aux différentes informations de l'entreprise. Et puis, des banques et des grands cabinets de juristes sont entrés dans la boucle. Le plan de Patrick Cron est simple. Il a trouvé un acquéreur qui l'a convaincu d'acheter la totalité de la branche énergie et qui propose un prix acceptable autour de 13 milliards de dollars. Il veut donc ficeler l'opération pour être sûr que son conseil d'administration le vote. Il préviendra au dernier moment les responsables politiques pour les mettre devant le fait accompli, tout simplement. Il faut donc éviter à tout prix que l'information soit rendue publique. Alors, Patrick Cron et ses équipes avancent en coulisses. Un mois plus tard, le 23 avril, le patron français est à Chicago pour une dernière réunion avec Jeff Immelt. Ce dernier sort tout juste du conseil d'administration de General Electric, au cours duquel il a obtenu l'accord pour le rachat d'Alstom Energy. Les termes de la vente sont définis, les Américains s'engagent à ne pas retirer leur offre, les Français auront un mois pour se décider et ils pourront étudier d'autres offres comparables sans pour autant en solliciter d'autres. Mais alors, qu'il est dans l'avion pour retourner à Paris, l'agence américaine Bloomberg, qui a eu vent de l'affaire, publie son scoop. Évidemment, l'information ne passe pas inaperçue et les premières inquiétudes apparaissent. Non, Alstom ne sera pas racheté par les Américains de General Electric. C'est ce qu'a dit hier le patron du fleuron français à ses syndicats. Seule la branche énergie semble intéressée, General Electric. Du coup, dans l'une des usines de turbines à Belfort, eh bien, on accueille la nouvelle avec appréhension. Jean Armando est de la CGT Alstom Belfort. Personne ne s'attendait à une telle position. À Belfort, il y a deux fabrications de turbines, des turbines General Electric et des turbines Alstom. Donc il va y avoir de bonnes productions. Pour moi, il y aura facilement entre 1000 et 1500 salariés de trop sur cette activité. On connaît tous les difficultés aujourd'hui financières d'Alstom. On n'a pas les chiffres officiels puisqu'ils seront dévoilés le début mai. Tout montre qu'on est quand même sur un exercice très difficile au niveau financier, quoi. Jeudi 24 avril 2014, lendemain de l'annonce, changement de décor et d'ambiance. Cette fois, nous sommes au cinquième étage du ministère de l'économie et des finances, à Bercy, où se trouve le bureau d'Arnaud Montebourg, qui a donné rendez-vous à Patrick Cron pour qu'il s'explique sur ce qu'il vient d'apprendre dans la presse et qu'il ignorait, oui, totalement. Après le remaniement du 31 mars, dans ce premier gouvernement Valls, Arnaud Montebourg est désormais à la tête d'un vaste ministère qui regroupe l'économie et le redressement productif. Jusqu'à maintenant, il a essuyé quelques échecs, au premier rang desquels, en début de mandat, celui de la fermeture de l'usine sidérurgique de Florange. En cette fin de mois d'avril, il est encore sur le front, en train de finaliser le dossier PSA. Là, face à Patrick Cron, il n'en revient pas. Comment le patron de l'une des plus importantes entreprises françaises peut-il organiser la vente d'une partie de ses activités, et non des moindres, puisqu'il s'agit du secteur hautement stratégique de l'énergie et du nucléaire, sans en parler avec le gouvernement ? Patrick Cron se défend. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien d'officiel, donc rien à dire. Puis, il est à la tête d'une entreprise privée, il n'a donc pas l'obligation d'en référer au ministre. Puis quoi ? Arnaud Montebourg est tout au courant des difficultés de l'entreprise. Alors ? Effectivement, Arnaud Montebourg savait. Quelques mois auparavant, il avait demandé à un cabinet de conseil un rapport sur les solutions à envisager pour améliorer la situation d'Alstom. Étude auquel avait participé Patrick Cron, plutôt à reculons d'ailleurs, car il avait déjà son idée de vendre l'énergie et un acheteur, General Electric. Alors, ce 24 avril 2014, à Bercy, la discussion entre les deux hommes est pour le moins tendue. À partir de maintenant, Arnaud Montebourg doit reprendre les choses en main et Patrick Cron est prié de se faire discret. Nous allons nouer un dialogue serein, mais ferme, avec tous ceux qui, dans ce dossier, ont des choses à nous dire. Bien sûr, les actionnaires, bien entendu General Electric, que je recevrai dès que possible aux côtés du Premier ministre dans les jours qui viennent, de manière à ce que le projet nous soit complètement exposé. Car il s'agit d'un projet dont le gouvernement n'avait pas été informé. Si Arnaud Montebourg brandit le flambeau du patriotisme économique, ce n'est pas pour rien. Certes, Alstom est une entreprise privée, mais doit-il rappeler à Patrick Cron et aux Français que l'entreprise est un patrimoine national, qu'elle vit en grande partie des commandes publiques, et qu'il y a 10 ans, en 2004, c'est bien grâce à l'État et à des fonds publics qu'Alstom a pu se sortir d'une situation particulièrement délicate. Ce précédent de 2004, tous au gouvernement et à l'Élysée l'ont à l'esprit. À l'époque, c'est Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, qui s'était occupé du sauvetage et s'était présenté comme le sauveur. Pour Arnaud Montebourg, comme pour Manuel Valls ou François Hollande, ce gouvernement ne peut en aucun cas être celui qui abandonne aujourd'hui Alstom aux Américains. Le symbole politique serait dévastateur. Alors à tous les étages du pouvoir, c'est le branle-bas de combat. Nicolas Dufour, le directeur de la Banque publique d'investissement, David Anazema à la tête de l'Agence des participations de l'État, Emmanuel Macron, le secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée, et l'équipe d'Alain Montebourg se mettent au travail. Première décision, on avertit la haute autorité des marchés financiers pour bloquer le processus de vente. Ensuite, chez tous, une évidence s'impose. Il faut effectivement vendre la partie énergie d'Alstom. Pour l'État, la seule manière de reprendre la main, c'est de trouver un autre repreneur, un autre plan que celui de General Electric. On se tourne alors naturellement vers Siemens et son PDG, Joe Kaeser, le géant allemand de l'énergie et des transports. Entre Siemens et Alstom, c'est en effet depuis toujours un peu « je t'aime, moi non plus », on se parle sans s'écouter, on s'observe sans se séduire. Mais là, pour l'entreprise allemande, l'enjeu est de taille. Ce rachat par General Electric représente une menace directe de concurrence pour Siemens. Ces derniers s'empressent alors de rédiger une lettre d'intention pour formuler une offre. Ainsi, le 28 avril, soit 5 jours à peine après l'annonce surprise de l'agence Bloomberg, Siemens s'invite dans la partie et une deuxième offre vient contrebalancer la proposition des Américains. Alstom va se donner 2 jours de plus pour étudier les 2 offres. D'un côté, l'américain General Electric qui veut racheter sa branche énergie, ses turbines, ses réseaux électriques, ses éoliennes, 70% de son activité contre 10 milliards d'euros. C'est l'offre qui devait être entérinée ce week-end. De l'autre, il y a l'offre de Siemens, offre de dernière minute. Siemens propose d'échanger en partie ses trains à grande vitesse et ses locomotives contre la branche énergie d'Alstom. Une solution alternative qui ne plaît ni au PDG d'Alstom, Patrick Cron, ni au syndicat qui juge l'offre allemande très risquée pour l'emploi. Siemens est un concurrent direct d'Alstom. General Electric est, dit-on, plus complémentaire, mais politiquement, l'avantage de Siemens, c'est qu'il s'agit d'une offre européenne. Pour Arnaud Montebourg, ça permettrait de créer 2 champions européens dans le rail et dans l'énergie, Siemens s'engageant à ne pas licencier pendant 3 ans. Une façon aussi d'obliger l'Américain à revoir son offre à la hausse sur l'emploi et sur les centres de décision en France. La contre-attaque de l'État est donc lancée. Pour bien montrer qu'il reprend les choses en main, François Hollande reçoit Jeff Immelt à l'Élysée ce même 28 avril et dans la foulée, il reçoit Joe Kaeser, le PDG de Siemens. Après avoir proposé un nouveau scénario, il faut en écrire les grandes lignes. Alors Arnaud Montebourg s'en va expliquer à quel point l'option de Siemens est la meilleure. La réception élyséenne, la contre-proposition de Siemens, les déclarations d'Arnaud Montebourg, tout est fait pour montrer que l'État intervient et défend les intérêts de la France. En face, Patrick Cron a suivi les conseils d'Arnaud Montebourg, il se fait plus distant. Jeff Immelt, oui, rassure, montre qu'il entend les inquiétudes de l'État, qu'il va retravailler son offre. Il sait surtout qu'il a tout à perdre à se lancer dans une bataille politique. Pour l'instant, il reste maître du jeu, il a un temps d'avance sur la proposition improvisée de Siemens. Il faut donc prendre son mal en patience. Rodé aux affaires, le grand patron américain connaît l'exercice. Pendant ce temps, entre Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron et François Hollande, les discussions continuent, on s'interroge. Pourquoi Patrick Cron a-t-il autant joué la carte de la discrétion ? Au cabinet d'Arnoldbourg, on émet une hypothèse. Alstom serait menacé depuis plusieurs mois par une enquête du département de la justice américaine pour des faits de corruption sur des contrats en Indonésie. Une amende record de plusieurs centaines de millions de dollars menacerait l'entreprise. Et c'est un point fondamental. Et c'est peut-être la raison qui a poussé Patrick Cron à se tourner vers General Electric, l'américain. Un temps, Arnoldbourg croit cette version et va même jusqu'à demander aux services de renseignement français s'ils ont la possibilité d'enquêter. La réponse ne tarde pas. Ils n'ont ni les moyens, ni les compétences pour cette mission. Alors que l'inquiétude des salariés s'intensifie et que le discours de l'opposition se durcisse, devant l'Assemblée nationale, le ministre hausse le ton. Monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Une autre piste est aussi envisagée, car un troisième homme resté pour le moment loin des débats a un rôle à jouer dans notre histoire. Il s'agit de Martin Bouygues, dont le groupe du même nom détient depuis 2006 20% des actions d'Alstom qu'il a rachetées à l'État. Et lui aussi est plutôt vendeur. Pour l'instant, son aventure dans le nucléaire s'est soldée par un échec. Alors, aurait-il manœuvré avec Patrick Cron pour mettre en place cette vente et se séparer de ses actions ? Quoi qu'il en soit, une semaine après l'annonce de la vente, la bataille est en place. L'État va-t-il réussir à reprendre la main avec une partie si mal engagée ? Comment General Electric et son PDG Jeff Immelt vont-ils convaincre le pouvoir ? Enfin, quel impact aura cette décision sur les salariés d'Alstom et sur l'économie française ? France 2, journal de 20h. Après avoir laissé passer l'onde de choc de l'agence Bloomberg qui a révélé à la surprise générale le projet de vente d'Alstom Energy à General Electric, Jeffrey Immelt et Patrick Cron décident de repasser à l'attaque. Objectif, rassurer l'opinion. Les deux entreprises s'entourent des plus prestigieux cabinets de conseil de la place de Paris et pendant que Patrick Cron se rend sur le plateau de TF1, Jeff Immelt répond aux questions de David Pujadas sur France 2. Le patron américain officialise l'offre de General Electric et l'entreprise de séduction se met en marche. Monsieur Immelt, Alstom est un fleuron de l'industrie française. Qu'est-ce qui peut garantir à la France que vous n'êtes pas un prédateur ? Eh bien, écoutez, David, GE est en France depuis très longtemps. Nous avons été un bon partenaire, un bon investisseur pendant 5 ans dans l'aéronautique, dans les soins de santé, dans l'énergie. Nous avons donc un très long bilan. Et ce que je dirais aux Français, c'est que en regardant en arrière, on peut regarder vers l'avant et on voit bien ce qu'on a fait ici en France. On sait combien le secteur de l'énergie est en France. Nous serons un bon investisseur ici dans le pays comme nous l'avons été pendant les décennies. Des milliers de salariés d'Alstom nous écoutent ce soir. Est-ce que vous donnez une assurance sur l'emploi en France de ces usines Alstom ? Oui, je me suis entretenu avec le président Hollande en début de semaine. Ce qui est très important pour lui sont les emplois et j'ai pu en effet le rassurer que nous avons l'intention d'accroître le nombre de salariés des usines d'Alstom en France. Il y aura un bon dosage de l'ingénierie et de la fabrication qui est important pour ce pays. Ça sera de la croissance dans les régions et je sais que c'est très important pour le pays. Et j'ai démontré au président notre bilan en France où nous avons effectivement de nombreux salariés en France. Nous sommes très engagés à la France. Jeff Immelt et Patrick Cron déroulent leur communication. Et quoi de mieux pour y parvenir que d'utiliser un symbole, et non des moindres, Belfort. Dans cette ville, à quelques mètres de l'usine historique d'Alstom, se trouve sa voisine, une usine générale électrique. Oui, leurs salariés partagent la même cantine. C'est le symbole par l'assiette, avant que les couteaux ne soient tirés. Alors, les médias vont sonder la vie des employés, et ceux-ci sont partagés. D'un côté, ils craignent un choc des cultures, écho des différences qui existeraient entre leurs voisins et eux. D'autres expliquent que la proximité et la présence de l'Américain, si près au contraire, est rassurante. Et puis l'offre américaine, contrairement à celle de Siemens, paraît plus crédible. Il y aura moins de doublons, donc moins de menaces sur l'emploi. Au fur et à mesure, l'idée que la proposition américaine est la meilleure s'impose. Même au sein du gouvernement, quelques voix s'élèvent. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement et de l'Énergie, va même jusqu'à déclarer dans une interview pour Paris Match « General Electric a le meilleur projet industriel, pourquoi ne pas le dire ?» Premier couac dans la cohésion gouvernementale demandée avec insistance par le Premier ministre Manuel Valls. Révélateur également d'une situation bien mal embarquée, l'exigence économique ne saurait supplanter l'illusion politique. Il faut absolument donner à Hardemont de Bourdes des gages à son action. Et alors que le conseil d'administration d'Alstom vient de donner son accord aux négociations pour l'offre de General Electric, le ministre de l'économie sort un dernier tour de sa poche. Le ministre de l'économie déploie donc les grands moyens. Un décret publié aujourd'hui, détaillé dans Le Monde par Arnaud Montebourg. Il permettra à l'État d'avoir l'œil et la main sur les investissements étrangers en France, plus seulement dans les domaines de la défense et de la sécurité, ça existait déjà, mais aussi dans ceux des transports, de l'eau, de la santé, des télécoms et de l'énergie. Bonjour Bruce de Galzin. Bonjour. Entre les lignes, évidemment, le dossier Alstom. Ah oui, le décret était en préparation dans le plus grand secret, la discrétion, nous dit-on à Bercy, et clairement, il pèsera sur la vente du fleuron Alstom. C'est Arnaud Montebourg qui est à la manœuvre, même si le décret est aussi signé par Manuel Valls. Désormais, le ministre de l'économie aura son droit de veto. C'est un réarmement fondamental de la puissance publique, dit Arnaud Montebourg. Et comme Alstom est un maillon essentiel de notre indépendance énergétique, l'État rééquilibre le rapport de force entre l'intérêt des entreprises multinationales et son propre intérêt. Enfin, Hélène, c'est aussi, pour le pouvoir actuel, une manière de donner un signal politique et de prendre le contre-pied de Lionel Jospin, qui disait en 2000 « L'État ne peut pas tout ». En tout cas, ce décret permet à Arnaud Montebourg de gagner du temps et de défendre son interventionnisme économique. À la mi-mai, alors que les négociations sont engagées, l'objectif d'Arnaud Montebourg est simple. Défendre le sérieux de l'offre Siemens pour pouvoir faire pression sur General Electric et obtenir ainsi des engagements sérieux de l'Américain. Le problème reste que du côté allemand, l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. En marge d'un déplacement à Berlin, François Hollande et Arnaud Montebourg rencontrent respectivement Angela Merkel et Sigmar Gabriel, le ministre de l'économie. La réponse tient en quelques mots. Nous ne nous impliquerons pas. Traduction, l'État allemand n'encouragera pas son entreprise à acheter. Voilà, comme ça c'est clair. De son côté, Siemens ne se sent pas en mesure d'y aller tout seul. Il n'a aucun intérêt à racheter l'intégralité du secteur énergie. Il faut donc trouver un autre partenaire. Et c'est là que surgit Mitsubishi, le géant japonais. Voilà l'idée de ce nouvel assemblage. Siemens s'emparerait des turbines à gaz, Mitsubishi du reste, et surtout les deux entreprises acceptent que l'État entre en participation. La formule paraît plus complexe, mais pour Arnaud Bourg et le gouvernement, elle a l'avantage de garder la main. Finalement, le 16 juin, l'offre conjointe de Siemens et Mitsubishi est déposée. Contre le démantèlement, les deux patrons se posent en garant d'Alstom. Leur projet permettrait de préserver la marque Alstom, son identité et son pouvoir de décision. Les deux sociétés se partageraient ses activités. Siemens prendrait les turbines à gaz, Mitsubishi des participations dans les turbines à vapeur qui équipent nos centrales nucléaires, mais aussi l'hydroélectrique. Cette alliance, il s'y engage, doit permettre de créer des emplois. Joe Kaeser, le patron de Siemens, s'aligne sur la proposition concurrente de General Electric. Ce que nous voulons, c'est créer un millier d'emplois ici, en France. Siemens a aussi rencontré ce matin les syndicats de ce pays, ainsi que le président de la République, et nous allons ajouter 1000 contrats d'apprentis supplémentaires en France. La proposition germano-japonaise provoque la colère, quoique dissimulée, de Patrick Cron et du conseil d'administration d'Alstom. Pour eux, et depuis le début, le choix est fait. Alors pourquoi étudier cette nouvelle offre? Le jeudi 19 juin, une réunion a lieu à l'Élysée. Raymond Bourg vient présenter les deux offres à Emmanuel Macron et François Hollande. Il affirme son choix pour la solution Siemens-Mitsubishi. En face, on est plus sceptique. On sait qu'en aucun cas, on ne réussira à imposer un repreneur à un conseil d'administration qui n'en veut pas. Bref. Les deux hommes, unis au début de la crise, se déchirent à l'heure des décisions. À l'issue de la réunion, le choix des pouvoirs est donc fait. Ce sera General Electric. Reste à faire en sorte qu'Arnaud Montebourg ne sorte pas totalement défait, comme dans l'affaire Florange, 2 ans avant. La solution porte donc un nom, l'État, qui doit entrer au capital d'Alstom. Cette fois, on donne le sentiment de la victoire au ministre de l'Économie. L'État sera présent par un système de co-entreprise et par le rachat des actions de Bouygues. Le vendredi 20 juin, Arnaud Montebourg acte la victoire de General Electric au cours d'une conférence de presse. Dans la foulée, François Hollande prend la parole à l'Élysée pour se féliciter de cette sortie de crise. Je considère que ce qui a été obtenu est un progrès pour la France et vient conclure une négociation qui a été particulièrement bien conduite sous mon autorité par le gouvernement et par les ministres concernés, et notamment Arnaud Montebourg. Derrière les mots, il y a la réalité, en fait, une victoire à la Pyrrhus. Elle n'est donc pas à l'avantage de la France. Le grand gagnant de la partie, c'est bien General Electric, qui domine chacune des co-entreprises et qui hérite des marchés juteux, comme ceux de l'entretien et de la rénovation du parc nucléaire français. Et puis, il reste un dernier point pour finaliser la vente. L'achat par la France des actions du groupe Bouygues. De nouveau, il faut négocier sur le prix de ces titres. Le patron français veut les vendre au prix fort, 35 euros, alors que le marché les fixe actuellement à 24. Les discussions durent, l'échéance de l'offre de General Electric arrive bientôt à terme. Les équipes du ministre de l'Économie se démènent de nouveau. Et finalement, fin juin, un accord est trouvé. Arnaud Montebourg vient rassurer les Français et célébrer sa victoire sur le plateau de France 2. Bonsoir Arnaud Montebourg, merci d'être avec nous ce soir. Alors est-ce que l'accord est conclu? Est-ce que vous êtes mis d'accord avec Bouygues? Nous avons un accord qui a été conclu cet après-midi, qui permet à l'État de devenir le principal actionnaire d'Alstom. À hauteur de 20%, comme prévu, de manière à assurer la pérennité de l'alliance entre General Electric et Alstom. Finalement, nous avons gagné la bataille industrielle de l'alliance, plutôt que le rachat, dévoration, absorption, que craignaient à la fois nous-mêmes, le gouvernement, beaucoup de Français, mais aussi les syndicats de salariés. On peut avoir une précision sur le montant de cet accord? À quel taux l'action a été négociée avec Bouygues? Nous avons une option d'achat, Bouygues nous a consenti, qui nous permet d'acheter lorsque le prix sera le plus bas possible. Une conclusion juste, Manuel Valls a été un meilleur allié que Jean-Marc Ayrault dans ce dossier, comme il l'avait été pour le dossier Florange. Oui. Il a été un excellent allié. Un excellent allié. Je ne fais pas de comparaison. Pas de comparaison. Ce soir, on avait un ministre en face de nous qui est très loin de démissionner. Ça a été une rumeur, une question. On a bien Arnaud Montebourg au sein du gouvernement. Il est heureux au sein du gouvernement. Comme vous le voyez, mais il m'est très difficile de commenter des rumeurs. Ça n'était qu'une rumeur. Le bonheur de Dirk Quintance est bien connu et pour Arnaud Montebourg, il s'arrêtera à la fin du mois d'août. Deux mois après cette interview, il quitte ses fonctions. Dans l'intervalle, après 56 jours de négociations, la vente est enfin actée. Pour la fêter, Jeff Immelt et Patrick Cron se rendent à Belfort, là où se trouvent leurs deux usines. Ils sont tous au rire. Ils savent qu'ils sont les grands vainqueurs de cette bataille. Ainsi, le 19 décembre 2014, la vente d'Alstom à General Electric est-elle officialisée par le conseil d'administration de l'entreprise française ? Quelques mois plus tard, on apprend que Patrick Cron quittera bientôt ses fonctions et surtout qu'il gagnera une prime de 4 millions d'euros pour cette vente, prime qui évidemment pose question. Patrick Cron, vous avez fait part de votre volonté de partir une fois que le deal serait scellé avec General Electric. Vous allez partir avec 4 millions d'euros en actions, ce qui suscite des critiques en fait, de la part de la CGT. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse contester ce départ, ce bonus ? Alors, attendez, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que je n'ai pas souhaité partir. À l'Assemblée Générale, vous avez dit « je suis vieux », entre guillemets. Ouais, bon, ça, si vous voulez, je suis vieux. Je suis là depuis longtemps. Je suis plus vieux qu'en 2003, lorsque je suis arrivé, mais ça arrive à des tas de gens, si vous me permettez. Donc, ce que j'ai dit simplement, c'est que l'opération avec General Electric recentre Alstom sur son activité de transport. Il se trouve qu'il y a, au sein d'Alstom Transport, des équipes parfaitement compétentes, capables de diriger cette activité de transport. Et donc de diriger demain le groupe recentré sur le transport. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une organisation ? Donc vous rendez service en partant et on vous donne 4 millions d'euros en échange. Non, je ne rends pas service en partant. En ce qui concerne la rémunération, et sur lequel je suis un peu embarrassé pour parler, parce que je n'aime pas trop parler des sujets de ce type concernant, ce n'est pas une indemnité de départ, c'est une prime, effectivement conditionnelle, que le Conseil a considéré pouvoir me donner dans l'hypothèse où l'opération, la transaction avec General Electric, irait à son terme. Moi, j'estime ne la mériter en effet. Au-delà de cette prime, en décembre 2014, c'est toute une série d'autres questions qui surgissent, au premier rang desquelles l'enquête américaine pour faits de corruption et l'amende historique qui pèse sur Alstom. Quelle part a joué cette menace dans le choix des Américains ? Comment expliquer que la France ait ainsi cédé un secteur comme le nucléaire aux Américains ? N'y avait-il vraiment pas d'autre solution ? Pourquoi ce renoncement ? Après le feu médiatique du printemps 2014, ces questions, aujourd'hui, restent entières. Hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin, comme si la grande route et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant, comme si qui sera était et que la mécanique s'essoufflait. Pas trop vite, le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas, et que le réveil ne sonnait pas. Comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous détoit et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. L'affaire Alstom, notre invité Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Ministre de l'économie et du redressement productif à l'époque des faits, auteur du livre L'engagement, en poche aux éditions Pluriel. Alors, Arnaud Montebourg, dans l'émission Affaires sensibles version télé en 2021, vous expliquiez que le PDG d'Alstom avait donc entamé les discussions avec l'américain General Electric pour la vente de la branche énergie d'Alstom, sans vous en parler. Alors que cette entreprise française, certes privée, vit des commandes publiques, de surcroît dans des secteurs hautement stratégiques. Alors vous êtes très en colère. Et vous dites à vos collaborateurs, concernant le patron d'Alstom, qui revenait d'un voyage d'affaires à Chicago, vous leur dites, allez à l'aéroport et allez me le chercher par la peau du dos, qu'il vienne s'expliquer. Bien, que se passe-t-il? Parce qu'il vient pendant l'entretien, comment se justifie-t-il? D'abord, comprenez la situation, si je peux revenir un tout petit peu en arrière avant de répondre à votre question. Nous avions compris que Alstom avait besoin de passer une alliance mondiale. Ce qu'on avait fait avec beaucoup de grandes entreprises françaises, parce que il y avait de la consolidation au plan mondial, et comme le marché était mondial, sur l'énergie, je rappelle ce que c'était. C'était les turbines des barrages, les turbines de sortie de centrales nucléaires, les turbines des centrales thermiques, et les turbines de toutes les machines à fabriquer de l'électricité avec le vent, les éoliennes. C'était donc des parts de marché fondamentales et une technologie maîtrisée par la France. Et c'était les deux tiers d'Alstom, puisque le troisième tiers concernait... les transports. Ferroviaires. Voilà. Exclusivement ferroviaires. Donc c'était, pour nous, c'est les joyaux de la République, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, ça a été, c'est un héritage de la Compagnie Générale d'Électricité. C'est une boîte fondamentale, 95 000 salariés, vous en aviez énormément sur le sol français, des usines partout. Donc, c'était fondamental. Nous savions, et j'avais moi-même commandé une étude à Roland Berger, je l'ai d'ailleurs donnée à la commission d'enquête postérieure sur Alstom, une étude, regardant ce qu'il était bon ou mauvais de faire s'il fallait passer une alliance. Une alliance, ce n'est pas une vente. Une alliance, c'est un partenariat. Est-ce qu'on se met avec les Japonais? Est-ce qu'on se met avec les Allemands? Est-ce qu'on se met avec les Indiens? Est-ce qu'on se met avec les Américains? Voilà, c'est des choses qu'on sait faire. D'ailleurs, on l'a fait avec General Electric, avec Safran, c'est-à-dire les moteurs d'avion. En 1945, on a des moteurs qui décollent depuis maintenant 50 ans, qui atterrissent toutes les deux secondes. C'est des moteurs franco-américains, Snecma, donc Safran, et General Electric. Donc on sait faire ça, à 50-50. Comme avec Siemens, pour dans l'énergie également. Bien, ça c'est des alliances. Okay. Pour atteindre la taille critique. J'ai donc fait travailler les équipes de ce rapport, pour préparer ce rapport, avec M. Cron, qui m'a dit, j'en ai marre de m'envoyer des stagiaires HEC pour m'interroger sur ce que je veux faire. Je lui ai dit, d'abord, ce n'est pas des stagiaires. Le gouvernement fait travailler un cabinet d'études spécialisé sur les questions énergétiques, parce que je veux savoir ce que vous allez faire. Bon. Rapport a été rendu. On voyait bien que les alliances avec General Electric, ça ne marchait pas. On voyait que ce qui était possible, c'était avec les Allemands, mais avec des précautions. Et ce qui était bon, c'était avec les Japonais. Voilà, on avait travaillé tout ça. Donc j'interrogeais depuis des mois... Ce que j'ai dit à l'époque devant le Parlement, quand les députés fort légitimement m'interrogeaient, j'ai dit, écoutez, moi j'interroge depuis des mois M. Cron pour savoir ce qu'il compte faire. Et il ne vous disait rien. Et il disait, mais rien. Alors qu'il faisait. Non, il avait entamé. C'est pas qu'il disait rien. Il mentait. Il disait, il ne se passera rien, laissez-moi, tout va bien. Alors qu'il avait commencé déjà les négociations ou les pourparlers. Qui est venu me voir? General Electric. Ils sont venus me voir pour me dire, est-ce que Alstom serait à vendre? Parce qu'eux, ils avaient compris que ça se passerait chez moi. Ouais. Enfin, au gouvernement, j'entends. Et j'aurais dit, mais non, ça n'est pas à vendre. Donc moi, j'avais envoyé le message aux Américains, n'est-ce pas? Mais pourquoi les Américains savaient qu'ils pourraient obtenir la vente? Parce qu'ils cherchaient à inculper pour corruption, au plus haut niveau, le patron d'Alstom, qui lui faisait dans son... Passez-moi l'expression, mais il n'y en a pas d'autre. Il avait peur? Il faisait dans son froc. Ouais. Pardon. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, s'il ne vendait pas, il allait finir en tôle, comme aux États-Unis, comme Pierucci. Rappelons justement aux auditeurs qu'il y a un département de justice américain qui est très dur, hein, et qui va essayer de retrouver les compromissions et tout ce qui a pu se passer d'illégal pour des entreprises étrangères, et notamment pour ce qui concerne Alstom, il s'agissait de corruption de pots de vin pour l'attribution de marché en Indonésie en 2003 et 2004. Il est sous cette menace. Bien, donc moi je reviens à cet épisode, vous le convoquez par la peau du dos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous lui dites? Bah, comment se justifie-t-il? Il arrive dépeigné en sortant de son jet où il était allé conclure la négociation avec Jeff Immelt, le patron de General Electric. Il arrive avec son adjoint qui était dans la confidence et je leur dis, bah, écoutez, ça se passera pas comme ça. Et là, il m'a menacé. Il a dit, écoutez, de toute façon, j'ai pas la taille. C'est pas le gouvernement qui va décider. Je lui dis, bah, c'est pas vous qui allez décider. Donc, ça a été une confrontation extrêmement violente. Et à ce moment-là, il a dit, d'ailleurs, si vous n'acceptez pas, je fais tout de suite un plan social de 5000 personnes. Je lui dis, bah, on va voir votre plan social, ce qu'on va en faire. Et d'ailleurs, aucun gouvernement n'acceptera de parler sous votre menace. Pourquoi il me menaçait? Parce qu'il était menacé lui-même. Quand vous risquez votre intégrité personnelle, parce que vous êtes menacé par la justice américaine. La présentation que vous en donnez est un peu enjolivée, excusez-moi. Ils ont utilisé les écoutes de la NSA, ils ont sorti 1 million de mails qui dataient d'il y a 10 ans, qu'ils ont mis sous le nez du N-4 ou -2 qui était Pierucci, le malheureux. On va revenir sur ça la fin. Et à qui ils ont dit, nous on veut la tête de Cron. Et si vous parlez pas, c'est vous qui y passerez. Hein, c'est ça qu'ils ont fait. Et ils ont utilisé 75 millions d'écoutes illégales sur les autorités françaises, les entreprises françaises, les ministres français, le président français, sans que jamais il y ait eu moins de protestations. Nous avons été victimes d'une attaque et d'une ingérence. Alors, de la part de nos prétendus amis et alliés américains. Donc il faut le savoir. Donc Cron, il est en sursis. Donc au lieu de dire « je me démets de mes fonctions, je demande la protection du gouvernement français, de mon gouvernement », pour me protéger contre les ingérences américaines. Et je remets les clés de l'entreprise. À qui saura mieux gérer les alliances? Ce qu'on aurait pu parfaitement faire. Je crois que, un, l'honneur de Cron aurait pu être préservé, ce qu'il ne sera pas, parce qu'il poursuivra cette affaire jusqu'au bout de sa vie. Et deuxièmement, nous aurions pu sauver Alstom. Et là, lui dit au passage qu'il n'a pas menacé de pratiquer des licenciements, mais que c'était une décision économique, pertinente, économique par rapport à ce qu'était le marché. Bon, vous étiez favorable à une solution Alstom-Siemens? Est-ce que c'était une solution? Comment l'État pouvait reprendre la main? Quand vous avez une boîte qui pèse si lourd, 25 milliards de chiffre d'affaires, rendez compte ce que c'est? Oui, tout à fait. Bon, qui va se vendre à une boîte qui va se faire absorber par une boîte qui en pèse 250 milliards, que vous, tout est prêt et que tout va être fait en 48 heures, qu'est-ce qui vous reste? En dehors, j'allais dire des mots, on a utilisé la haute autorité des marchés financiers pour faire bloquer la vente. Je suis allé chercher un lièvre, je le dis. Lequel? Siemens. Je suis allé chercher une autre offre. Voilà, c'est ça, Alstom Siemens, ok. Ouais, pour dire, non, il y en a une autre. Donc, faut discuter pour gagner du temps. Et après, j'ai fait sortir mon décret par le Premier ministre et le Président qui me permettait de bloquer la vente. Alors comment ça s'est passé justement, quand vous vous réunissez avec... Et quand j'avais mon décret, je pouvais dire, non, je pouvais bloquer. Bon, vous en parlez évidemment avec réunion de crise. François Hollande, le Premier ministre dans l'époque, Manuel Valls, et le conseiller économique de François Hollande, un certain Emmanuel Macron. Comment il se comporte Emmanuel Macron? Je raconte tout ça dans un livre que j'ai cru devoir écrire, pour raconter la vérité sur Alstom, ce que j'appelle Alstom noir, le roman noir, tellement c'est un drame pour notre pays. Si vous voulez, quand on arrive au moment de vérité, donc moi je suis venu avec la proposition du blocage de la vente. Je leur dis, je suis en désaccord, comme ministre de l'économie, qu'on vente cette entreprise. Et là, le président de la République a dit, non, nous allons vendre aux Américains. Mais le ministre de l'économie est chargé de trouver les meilleures conditions pour vendre. J'ai dit, comment voulez-vous trouver les meilleures conditions quand le président de la République dit « on va vendre ». C'est fait. Comprenez? Ah oui, bien sûr. Donc moi, j'ai négocié dos au mur, en menaçant presque fictivement d'utiliser mon décret. J'ai même été obligé de dire que ce décret, c'est ma signature, et il n'y a pas de contre-saint. Donc je peux l'édicter. C'est sûr, j'allais me faire virer, mais c'est pas grave. Donc j'ai été obligé de tirer. Alors qu'est-ce que j'ai obtenu? Dans cette négociation, le dos au mur, non soutenu par mes chefs. Parce que même Valls, le Premier ministre, qui au début était pour l'alliance Siemens, etc., m'a lâché dans cette réunion. Macron, qui n'était qu'un employé en l'espèce à l'époque, c'était l'employé du président. Donc pour moi, ce qu'il dit, c'était ce que pensait le président. Il a dit, on n'est pas au Venezuela. Oui, parce qu'il y avait aussi une proposition de nationalisation provisoire. Mais d'abord, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez négocier avec les Américains, même en position de faiblesse, je suis désolé, d'abord, premièrement, il faut que sur les produits, productions stratégiques d'Alstom. Les énergies renouvelables, on en a besoin pour le futur. Le nucléaire, c'est stratégique pour notre pays. Et puis, les réseaux. Alstom était dans les réseaux à un niveau très important. On va toujours en construire des réseaux, ou les rénover. Donc on a besoin de ces trois... On fait des co-entreprises à 50-50, comme on a fait dans les moteurs d'avion. Avec un Français, le siège social, 51, 49, bref, on avait négocié le mieux possible. Je ne dis pas que c'était parfait, mais c'était mieux que rien. Donc j'ai fait créer trois co-entreprises. Alstom J, sur les trois éléments importants. On leur lâchait les turbines à charbon, les turbines à gaz, de toute façon, ça c'était le passé, mais le futur, on le gardait. Deuxième élément. Je dis, ils vont être obligés de créer 1000 emplois à Belfort. Et s'ils ne les créent pas, c'est 50 000 euros par emploi non créé. Ça s'appelle des amendes. C'était la première fois qu'on voyait ça dans un accord. Puis, troisièmement, j'ai dit, je veux racheter, pour renforcer la branche ferroviaire d'Alstom, le signaling, c'est-à-dire toute la mécanique technologique du système de signalisation que les Américains, où les Américains étaient très forts, et General Electric avait une branche signaling qui valait 1 milliard. J'ai dit, moi, je la rachète. Donc ça, c'est dans l'accord. Et enfin, dernier point, la nationalisation d'Alstom. Pourquoi? Parce que Alstom était devenu Ce qu'avait fait Sarkozy, je crois. Oui, bien sûr, mais bien entendu. D'ailleurs, j'avais dit, Hollande, tu es même pas capable de faire ce que Sarkozy a fait. Bah, dis donc, drôle de quinquennat. Ça s'était très mal terminé, cette histoire, dans la discussion entre hommes, hein, j'entends. Au moment de la discussion entre les hommes, pas seulement les fonctions, si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, pourquoi Alstom devenait un nain? On perdait les deux tiers du chiffre d'affaires, était un nain. Donc, Alstom, dans les co-entreprises, était un nain face à un géant. Donc, il fallait que ce soit l'État qui soit là. Au bout du compte, Alstom. Ah oui, bah maintenant, au bout du compte, regardons ce qui reste. Alors justement, branche électrique tombe aux mains des Américains. Je vous ai entendu dire au cours de plusieurs interviews que vous étiez un passionné de l'industrie, du mécano-industriel, et voilà ce que vous disiez le 1er mars 2023 devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères. Écoutez. Écoutez, on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, Technip, un des leaders dans l'oil and gas, Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia. On était plus haut qu'eux. C'est ça le résultat? Faut se réveiller. Là. Si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. Monsieur Cron, il a touché, je crois, 13. Monsieur Lafont, 15. Monsieur Combe, 13. Voilà. C'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Est-ce que ça veut dire que la sphère politique doit reprendre le pouvoir sur l'économique? J'ai envie de vous dire, on l'a. On l'a. Mais on ne l'utilise pas. Ah, voilà. D'accord. Oui, on l'a. Le décret qu'on a appelé le décret Montebourg, j'en suis fier, j'ai au moins laissé ça. Décret du 14 mai 2014. Qui dit que tout investissement étranger dans les domaines stratégiques, il y en avait 7, transport, eau, santé, énergie, télécommunications, défense, voilà, je vais en oublier un ou deux, le gouvernement autorise ou n'autorise pas, et c'est sa souveraineté. C'est un décret. Je suis le premier, j'allais dire, ministère souverainiste. En fait, depuis la mondialisation, hein, bien sûr. Parce qu'avant, tout était souverainiste. Sous le général de Gaulle, Pompidou, Giscard, un peu Mitterrand, même, bon. Mais là, depuis que la mondialisation a été décrétée politiquement et mise en œuvre économiquement, bah, c'est le retour d'un ministère souverainiste. Donc, ce décret, on pouvait l'utiliser dans l'affaire Alstom, on pouvait l'utiliser dans l'affaire Technip, on pouvait l'utiliser dans l'affaire Lafarge, on pouvait l'utiliser dans l'affaire Alcatel, on pouvait l'utiliser partout. On pouvait pas l'utiliser dans Péchinet et... Arcelor, parce que ça c'était avant. Hein. Mais après, tout ça. Et qui pouvait l'utiliser? Les ministres de l'économie? Donc ça existe. Mais ils n'ont pas été utilisés. Parce qu'on est d'accord de vendre. Donc si vous voulez, vous avez des dirigeants politiques qui laissent des dirigeants économiques se vendre. Donc être dévendus. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On les bloque. Donc, on a besoin de dirigeants dans ce pays. Ah, voilà, donc voilà ma position. Eh ben, voilà, je suis désolé, excusez-moi d'être un petit peu trop direct. Peut-être on n'est jamais trop direct. Même un peu trop, comment dire, je ne sais pas. Donc la réponse à ma question est oui, quand je vous dis, il faut que la sphère politique reprenne la main. Mais il faut surtout qu'on ait les bons dirigeants pour utiliser les textes existants, si vous voyez ce que je veux dire. Arnaud Montebourg, on se retrouve dans 3 minutes. On écoute Ezekiel Payès, Dors-tu ? Et toi, dors-tu quand la nuit est si belle, quand l'on me cherche et me fuit comme toi, quand je te donne un cœur longtemps rebelle, dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, t'émêles-tu dans ton âme confuse, les doux secrets qui brûlent entre nous, ces longs secrets dont l'amour nous accuse, viens-tu les rompre en songe à mes genoux, dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi, dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi, dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi, dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi, les mêmes-tu dont ton âme confuse, les doux secrets qui brûlent entre nous, ces longs secrets dont l'amour nous accuse, viens-tu les rompre en songe à mes genoux. As-tu livré ta voix tendre et hardie aux fraîches voix qui font trembler les fleurs? Non, c'est du soir la vague mélodie. Ton souffle encore n'a pas séché mes pleurs. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi? Rêves-tu de moi? Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi? Rêves-tu de moi? Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi? Rêves-tu de moi? Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi? Rêves-tu de moi? As-tu livré ta voix tendre et hardie aux fraîches voix qui font trembler les fleurs? Non, c'est du sang la vague mélodie. Ton souffle encore n'a pas séché mes pleurs. Garde toujours ce douloureux empire sur notre amour qui cherche à nous trahir. Mais garde aussi son mal dont je soupire. Son mal est doux, bien qu'il fasse mourir. Affaire sensible. Sur France Inter. Arnaud Montebourg, alors laissez-moi rappeler aux auditeurs, parce que c'était pas dans le récit, mais en résumé, l'affaire qui explique peut-être beaucoup de choses, de dossier Pierucci, donc du nom de ce haut cadre d'Alstom, arrêté aux États-Unis le 14 avril 2013, au nom de l'entreprise qu'il représente, alors qu'il était en voyage d'affaires. Il est jeté en prison, il y reste de longs mois, pour soupçon de corruption d'Alstom dans l'attribution de marchés en Indonésie en 2003 et 2004. Alors ça vient d'une institution judiciaire américaine qui rigole pas, sur ce terrain-là. Et notons que pendant sa détention, Pierucci est viré par Alstom pour non-présence à son poste, à son lieu de travail. Pensez-vous qu'il s'est agi là d'un chantage de General Electric pour obtenir l'achat de la branche énergie d'Alstom? Et estimez-vous que Pierucci en a été l'otage? Oui, je suis convaincu que l'État américain et les grands conglomérats, comme General Electric, qui est une entreprise qui est quasiment liée à l'État, parce qu'elle travaille main dans la main avec l'État américain, et elle a d'ailleurs un poids considérable, elle a été fondée par Thomas Edison, donc ouais, ça remonte quand même au 19e siècle, l'État américain utilise des services de renseignement comme la NSA pour écouter les entreprises. Le Department of Justice, c'est la branche, j'allais dire, judiciaire du gouvernement. Et punitive. Qui poursuit. Et les grandes entreprises qui ramassent. Voilà. Donc, qui font leur marché, leur shopping. Mais ils ont déjà fait le coup dans une entreprise qui a été déjà rachetée par General Electric, qui avait été poursuivie dans les mêmes conditions par le Department of Justice, qui s'appelait Invisio. Donc, il y a des précédents. Donc, on est habitué à ça. Et il n'y a aucune mesure de, rétorsion, de réciprocité mise en œuvre par les Européens et les Français. Je le regrette. Ce sera le mot de la fin, Arnaud Montebourg. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, L'engagement en poche, aux éditions Pluriel. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Alstom, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait David Dibouet-Black. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récits documentaires, Constance Villanova, Sylvie Fagnard, Gaspard Vallu, Adrien Cara et Simon Maisonneuve. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Coordination, Franck Cognard. Programmation musicale, Valentine Chedebois et Jean-Baptiste Audibert. Réalisation, Hélène Bisio, Frédéric Milano, David Leprince et Stéphane Combes.